Section 40. De Essai sur les révolutions, suivi des études historiques, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Cinquième discours, troisième partie. Mœurs des païens. Un long paganisme et des institutions contraires à la vérité humaine avaient porté la gangrène dans le cœur du monde romain. L'Évangile pouvait faire des saints isolés, des familles pieuses, charitables, héroïques, mais il ne pouvait extirper subitement un mal enraciné par une civilisation antinaturelle. Le christianisme réforma les mœurs publiques avant d'épurer les mœurs privées. Il corrigea les lois, posa les dogmes de la morale universelle avant d'agir efficacement sur la généralité des individus. Ainsi, vous avez vu l'esclavage, la prostitution, l'exposition des enfants, les combats des gladiateurs, attaqués légalement par Constantin et ses successeurs, glorieux effet du christianisme au pouvoir, mais vous avez retrouvé aussi le même fond de corruption sur le trône. Les empereurs, il est vrai, ne se rendaient pas coupables de ces infamies effrontées dont s'étaient souillés à la face du soleil Tibère, Caligula, Néron, Domitien, Commode et la Gabale, mais les crimes intérieurs du palais, une dépravation secrète, une vie d'intrigue, quelque chose qui ressemblait davantage aux cours modernes commença. Tout ce que le christianisme put faire d'abord fut de contraindre les vices à se cacher. La pourriture de l'Empire romain vint de trois causes principales, du culte, des lois et des mœurs. Et comme cet empire renfermait dans son sein une foule de nations placées dans divers climats, à différents degrés de civilisation, toutes ces nations mêlaient leur corruption particulière à la corruption du peuple dominateur. Ainsi l'Égypte donna à Rome ses superstitions, l'Asie sa mollesse, l'Occident et le Nord de l'Europe son mépris de l'humanité. La société romaine parlait deux langues, était composée de deux génies, la langue latine et la langue grecque, le génie grec et le génie latin. La langue latine se renfermait dans une partie de l'Italie, dans quelques colonies africaines, illyriennes, daciques, gauloises, germaniques, bretonnes, tandis qu'Alexandre avait porté sa langue maternelle jusqu'aux confins de l'Éthiopie et des Indes. Elle servait d'idiome intermédiaire entre les peuples qui ne s'entendaient pas. Elle était parlée à Rome, même par les esclaves et les marchands d'herbes. Le génie grec communiqua aux Romains la corruption intellectuelle, les subtilités, le mensonge, la vaine philosophie, tout ce qui détériore la simplicité naturelle. Le génie latin voua ces mêmes Romains à la corruption matérielle, aux excès des sens, à la débauche, à la cruauté. De ces généralités, si nous passons à l'examen particulier de la religion, des lois et des mœurs, nous trouvons l'idolâtrie merveilleusement calculée pour autoriser les vices. L'homme ne faisait qu'imiter les actions du dieu. Jupiter a séduit une femme en se changeant en pluie d'or. Pourquoi, moi, chétif mortel, n'en ferais-je pas autant? Ovide, et l'autorité est singulière, ne veut pas que les jeunes filles aillent dans les temples, parce qu'elles y verraient combien Jupiter a fait de mères. Les femmes se prostituaient publiquement dans le temple de Vénus, à Babylone. Dans l'Arménie, les familles les plus illustres consacraient leurs filles vierges encore à cette déesse. Les femmes de Byblis, qui ne consentaient pas à couper leurs cheveux au deuil d'Adonis, étaient contraintes pour se laver de cette impiété de se livrer un jour entier aux étrangers. L'argent qui provenait de cette sainte souillure était consacré à la déesse. Les filles, dans l'île de Chypre, se rendaient au bord de la mer avant de se marier et gagnaient, avec le premier venu, l'argent de leur dot. Rien de plus célèbre que le temple de Corinthe. Il renfermait 1000 ou 1200 prostituées offertes à la mère des amours. Ces courtisanes étaient consultées et employées dans les affaires de la République comme des vestales. Lucien, dans les dialogues des dieux, flagelle en riant les turpitudes de la mythologie. Junon se plaint à Jupiter qui ne la caresse plus depuis qu'il a enlevé Ganymède. Mercure se moque avec Apollon de l'aventure de Mars enchaînée par Vulcain dans les bras de Vénus. Vénus invite Paris à l'adultère. Hélène n'est pas noire, puisqu'elle est née d'un cygne. Elle n'est pas grossière, puisqu'elle est éclose dans la coquille d'un œuf. J'ai deux fils, l'un rend aimable, l'autre amoureux. Je mettrai le premier dans tes yeux, le second dans le cœur d'Hélène, et je t'amènerai les grâces pour compagne avec le désir. » Mercure dit à Pan, « Tu caresses donc les chèvres. » Les voleurs, les homicides et le reste avaient leur protecteur dans le ciel. « Belle Laverne, donne-moi l'art de tromper et qu'on me croie juste et saint. » Les mystères d'Adonis, de Cybèle, de Priope, de Flore étaient représentés dans les temples et dans les jeux consacrés à ces divinités. On voyait à la lumière du soleil ce que l'on cache dans les ténèbres et la sueur de la honte glaçait quelquefois l'infâme courage des acteurs. L'ordre légal, conforme à l'ordre religieux, faisait de ces dérèglements des mœurs approuvées. La loi Scantini pensait sans doute être rigoureuse en acceptant de la prostitution publique que les garçons de condition. On versait au trésor le tribut que payaient les prostituées. Alexandre Sévère appliqua cet argent à la réparation du cirque et des théâtres. Dans une société où moins de 10 millions d'hommes disposaient de la liberté de plus de 120 millions de leurs semblables, on conçoit la facilité que les diverses cupidités avaient à satisfaire. L'esclavage était une source inépuisable de corruption. La seule définition légale de l'esclave disait tout « non tam willis quam nullus »,« moins vil que nul ». Le maître avait le droit de vie et de mort sur l'esclave, et l'esclave ne pouvait acquérir qu'au profit du maître. Vous lisez au livre 21e du titre premier de l'édit Édile, au sujet de la vente des esclaves, « Ceux qui vendent des esclaves doivent déclarer aux acheteurs leurs maladies et défauts, s'ils sont sujets à la fuite ou au vagabondage, s'ils n'ont point commis quelque délit ou dommage. Si depuis la vente l'esclavage a perdu de sa valeur, si au contraire il a acquis quelque chose comme une femme qui aurait eu un enfant, si l'esclave s'est rendu coupable d'un délit qui mérite la peine capitale, s'il a voulu se donner la mort, s'il a été employé à combattre contre les bêtes dans l'arène, etc. » Immédiatement après ce titre, vient un article sur la vente des chevaux et autres bétails, commençant de la même manière que celui sur la vente des esclaves. Ceux qui vendent des chevaux doivent déclarer leurs défauts, leurs vices ou leurs maladies, etc. Toutes les misères humaines sont renfermées dans ces textes, que les légistes romains énonçaient sans se douter de l'abomination d'un tel ordre social. Les cruautés exercées sur les esclaves font frémir. Un vase était-il brisé ? Ordre aussitôt de jeter dans les viviers le serviteur maladroit dont le corps allait engraisser les murènes favorites ornées d'anneaux et de colliers. Un maître fait tuer un esclave pour avoir percé un sanglier avec un épieu, sorte d'arme défendue à la servitude. Les esclaves malades étaient abandonnés ou assommés. Les esclaves laboureurs passaient la nuit enchaînés dans des souterrains. On leur distribuait un peu de sel. Ils ne recevaient l'air que par une étroite lucarne. Le possesseur d'un cerf le pouvait condamner aux bêtes, le vendre aux gladiateurs, le forcer à des actions infâmes. Les Romains livraient aux traitements les plus cruels, pour la faute la plus légère, les femmes attachées à leur personne. Si un esclave tuait son maître, on faisait périr avec le coupable tous ses compagnons innocents. La loi Petronia, l'édit de l'empereur Claude, les efforts d'Antonin le Pieux, d'Adrien et de Constantin furent sans succès pour remédier à ces abus que le christianisme extirpa. L'instinct de la cruauté romaine se retrouvait dans les peines applicables aux crimes et aux délits. La loi prescrivait la croix, à laquelle fut substituée la potence, le feu, la décollation, la précipitation, l'étranglement dans la prison, la fustigation jusqu'à la mort, la livraison aux bêtes, la condamnation aux mines, la déportation dans une île et la perte de la liberté. Dans les premiers temps, on pendait le coupable, la tête enveloppée d'un voile, à des arbres appelés malheureux et maudits par la religion, tels que le peuplier, l'aune et l'orme, réputés stériles. On ne pouvait faire mourir qu'avec le glaive, non avec la hache, l'épée, le poignard et le bâton. La mort par le poison ou par la privation d'aliments, d'abord permise, fut ensuite prohibée. Étaient exemptés de la question les militaires, les personnes illustres ou distinguées par leurs vertus. Celles-ci transmettaient ce privilège à leur postérité jusqu'à la troisième génération. Étaient encore soustraits à la question les hommes libres de race non plébéienne, excepté le cas d'accusation de crime de lèse-majesté au premier chef. Or, la frayeur des tyrans et la bassesse des juges faisaient survenir cette accusation dans toutes les causes. Les supplices de la question étaient le chevalet, lequel étendait les membres et détachait les os du corps, les lames de fer rouge, les crocs à traîner, les griffes à déchirer. Le même homme pouvait être mis plusieurs fois à la torture. Si nombre de gens étaient prévenus du même crime, on commençait la question par le plus timide ou le plus jeune. Ces épouvantables inventions de l'inhumanité ne suffisaient pas, et les bornes des tourments étaient laissées à la discrétion du juge. De là cet arbitraire des supplices dont je vous ai parlé. Avant de mettre les esclaves à la question, l'accusateur en déposait le prix. Le gouvernement confisquait les esclaves qui survivaient lorsqu'ils avaient déposé contre leur maître. De ce récit succinct de la corruption de Rome païenne par la religion et les lois, passons à la peinture de la corruption dans les mœurs. Le seul peuple qui ait jamais fait un spectacle de l'homicide est le peuple romain. Tantôt c'étaient des gladiateurs et même des gladiatrices de familles nobles qui s'entretuaient pour le divertissement de la populace la plus abjecte comme pour le plaisir de la société la plus raffinée. Tantôt c'étaient des prisonniers de guerre que l'on armait les uns contre les autres et qui se massacraient au milieu des fêtes. La nuit, au flambeau, en présence de courtisanes toutes nues, on forçait des pères, des fils, des frères de s'égorger mutuellement afin de désennuyer un Néron et mieux encore un Vespasien et un Titus. Les panthères, les tigres, les ours étaient appelés à ces jeux des hommes par une juste égalité et fraternité. La mort se voulut montrer un jour au milieu de l'arène dans toute son opulence. Elle y fit paraître à la fois une multitude de lions. Tant de bouches affamées auraient manqué de pâture si les martyrs ne s'étaient heureusement trouvés pour fournir du sang et de la chair à ces armées du désert. 11 000 animaux de différentes sortes furent immolés après le triomphe de Trajan sur les Daces, et 10 000 gladiateurs succombèrent dans les jeux qui durèrent 123 jours. La loi romaine étendait ses soins maternels sur les bêtes de meurtre, elle défendait de les tuer en Afrique comme on défend de tuer les brebis, mères des troupeaux. Le retentissement des glaives, les rugissements des animaux, les gémissements des victimes, dont les entrailles étaient traînées sur un sable parfumé d'essence de safran ou d'eau de senteur, ravissaient la foule. Au sortir de l'amphithéâtre, elles couraient se plonger dans les bains ou dans les lieux dont les enseignes brillaient sous les voûtes qui ont donné leur nom à la transgression de la chasteté. Ces impitoyables spectateurs de la mort, qui la regardaient sans pouvoir apprendre à mourir, accordaient rarement la vie. Si le gladiateur criait « Merci », les délies, les lesbies, les cintis, les lydies, toutes ces femmes des tibules, des catules, des properses, des horaces, donnaient le signe du trépas de la même main dont les muses avaient chanté les molles caresses. Les festins particuliers étaient rehaussés par ce plaisir du sang. Quand on s'était bien repu et qu'on s'approchait de l'ivresse, on appelait des gladiateurs. La salle retentissait d'applaudissements lorsqu'un des deux assaillants était tué. Un Romain avait ordonné par testament de faire combattre ainsi de belles femmes qu'il avait achetées, et un autre de jeunes esclaves qu'il avait aimées. Le luxe des édifices à Rome passe ce qu'on en saurait dire. La maison d'un riche était une ville entière. On y trouvait des forums, des cirques, des portiques, des bains publics, des bibliothèques. Les maîtres y vivaient pendant le jour dans des salles ornées de peintures que la lumière du soleil n'éclairait point. On ne les peut encore voir qu'à la lueur des torches, aujourd'hui que la nuit des siècles et les ténèbres des ruines ont ajouté leur obscurité à celle de ces voûtes. Un ouvrage, faussement attribué à Lucien, fait l'éloge d'un appartement. Sa demeure est représentée comme une femme modeste dont la parure est à ses charmes ce que la pourpre est à un vêtement. Et cependant l'habitation, qui paraissait si simple à l'auteur de cette pièce de rhétorique, a des murs peints à fresque, des plafonds encadrés d'or, et tout ce qui en ferait pour nous un palais de la plus grande magnificence. Descendant de la cruauté à la débauche, qui ne sait les Spintriae de Tibère et les incestes de Caligula? Qui n'a entendu parler de Messaline et du lit où elle rapportait l'odeur de ses souillures? Néron se mariait publiquement à des hommes. Par la blessure qu'il fit à Sporus, il inventa une femme nouvelle. Je ne redirai plus rien des Vitellius et des Domitiens. Le luxe des repas et des fêtes épuisait les trésors de l'État et la fortune des familles. Il fallait aller chercher les oiseaux et les poissons les plus rares dans les pays et sur les côtes les plus éloignées. On engraissait toutes sortes de bêtes pour la table, jusqu'à des rats. Des truies, On ne mangeait que les mamelles. Le reste était livré aux esclaves. Athénée consacre 11 livres de son banquet à décrire tous les poissons, tous les coquillages, tous les quadrupèdes, tous les oiseaux, tous les insectes, tous les fruits, tous les végétaux, tous les vins dont les anciens usaient dans leurs repas. Il se donne la peine d'instruire la postérité que les cuisiniers étaient des personnages importants, familiarisés avec la langue d'Homère et à qui l'on faisait apprendre par cœur les dialogues de Platon. Il mettait les plats sur la table, comptant 1, 2, 3, et répétant ainsi le commencement du timée. Ils avaient trouvé le moyen de servir un cochon entier, rôti d'un côté et bouilli de l'autre. Ils pilaient ensemble des cervelles de volailles et de porcs, des jaunes d'œufs, des feuilles de rose, et formaient du tout une pâte odoriférante, cuite à un feu doux, avec de l'huile, du garaume, du poivre et du vin. Avant le repas, on mangeait des cigales pour se donner de l'appétit. Je vous ai parlé de cet Elagabal, à qui ses compagnons avaient donné le surnom de Varius, parce qu'il le disait fils d'une femme publique et de plusieurs pères. Il nourrissait les officiers de son palais d'entrailles de barbeaux, de cervelles de faisan et de grives, d'œufs de perdrix et de têtes de perroquets. Il donnait à ses chiens des foies de canard, à ses chevaux des raisins d'Apamène, à ses lions des perroquets et des faisans. Il avait, lui, pour sa part, des talons de chameau, des crêtes arrachées à des coqs vivants, des tétines et des vulves de lait, des langues de paon et de rossignol, des pois brouillés avec des grains d'or, des lentilles avec des pierres de foudre, des fèves fricassées avec des morceaux d'ambre et du riz mêlé avec des perles. C'était encore avec des perles, au lieu de poivre blanc, qu'il saupoudrait les truffes et les poissons. Fabricateur de mets et de breuvages, il mêlait le mastic au vin de rose. Un jour, il avait promis à ses parasites un phénix, ou à son défaut, 1000 livres d'or. En été, il donnait des repas dont les ornements changeaient chaque jour de couleur. Sur les réchauds, les marmites, les vases d'argent du poids de 100 livres, étaient ciselées des figures du dessin le plus impudique. De vieux sycophantes, assis auprès du maître du banquet, le caressaient en mangeant. Les lits de table d'argent massif étaient parsemés de roses, de violettes, d'hyacinthes et de narcisses. Des lambris tournants lançaient des fleurs avec une telle profusion que les convives en étaient presque étouffés. Le nard et des parfums précieux alimentaient les lampes de ces festins qui comptaient quelquefois 22 services. Entre chaque service, on se lavait et l'on passait dans les bras d'une nouvelle femme. Jamais Elagabal ne mangeait de poisson auprès de la mère, mais lorsqu'il en était très éloigné, il faisait distribuer à ses gens des laitances de lamproie et de loup marin. On jetait au peuple des pierres fines avec des fruits et des fleurs. On l'envoyait boire aux piscines et aux bains remplis de vin de rose et d'absinthe. J'ai déjà touché quelque chose des impuretés et des noces d'Elagabal. Il aimait particulièrement à représenter l'histoire de Paris. Ses vêtements tombaient tout à coup. Il paraissait nu, tenant d'une main une de ses mamelles, de l'autre se voilant comme la Vénus de Praxitèle. Il s'agenouillait et se présentait au ministre de ses voluptés. Il avait quitté Zoticus le cocher et s'était donné en mariage à Hiéroclès. Il porta la passion pour celui-ci à un tel degré d'obscénité qu'on ne le saurait dire. Il prétendait célébrer ainsi les jeux sacrés de Flore. En bon romain, il mêlait l'immolation des victimes humaines à la débauche. Il les choisissait parmi les enfants des meilleures familles, prenant soin qu'ils eussent père et mère vivants, afin qu'il y eût plus de douleur. Elagabal était vêtu de robes de soie brodées de perles. Il ne portait jamais la même chaussure, la même bague, la même tunique. Il ne connut jamais deux fois la même femme. Les coussins sur lesquels il se couchait étaient enflés d'un duvet cueilli sous les ailes des perdrix, à des chars d'or incrustés de pierres précieuses. Elagabal dédaignait les chars d'argent et d'ivoire. Il enchaînait 2, 3 et 4 belles femmes, le sein découvert, et il se faisait traîner sur le quadrige. Quelquefois il était nu ainsi que son élégant attelage, et il roulait sous des portiques semés de paillettes d'or, comme le soleil conduit par les heures. Si ses iniquités et ses folies n'appartenaient qu'à un seul homme, il n'en faudrait rien conclure des mœurs d'un peuple. Mais Elagabal n'avait fait que réunir dans sa personne ce qu'on avait vu avant lui, depuis Auguste jusqu'à Commode. Se faut-il étonner qu'il y eût alors dans les catacombes de Rome, dans les sables de la Thébaïde, un autre peuple qui, par des austérités et des larmes, appela la création d'un autre univers. Ces cochers du cirque, ces prostituées des temples de Cybèle, qui faisaient rougir la lune de leur affreux débordement, ces poursuivants de testaments, ces empoisonneurs, ces trimalcions, toute cette engeance de l'amphithéâtre, toute cette race jugée et condamnée, devait disparaître de la terre. L'impureté n'était pas le fruit particulier de l'éducation des tyrans, un privilège de palais, une bonne grâce de cour. Elle était le vice dominant de la terre païenne, grecque et latine. La pudeur comme vertu, non comme instinct, est née du christianisme. Si quelque chose pouvait excuser les anciens, c'est que, ne remontant pas plus haut que le penchant animal, ils n'avaient pas de la chasteté l'idée que nous en avons. Des savants dans Athénée examinent doctement quand l'amour pour les jeunes garçons commença. Les uns le font remonter à Jupiter et les autres à Minos, qui devint amoureux de Thésée. Les autres à Laïus, qui enleva Chrysippe, fils de Pélops, son hôte. Hiéronyme, le péripatéticien, loue cet amour et fait l'éloge de la légion de Thèbes. Agnon, l'académicien, rapporte que chez les Spartiates, il était licite à la jeunesse des deux sexes de se prostituer légalement avant le mariage. Dans le dialogue des amours, qui n'est vraisemblablement pas de Lucien, l'auteur introduit sur la scène deux personnages, Chariclès et Callicratidas. Ils plaident dans un bois du temple de Cnide, l'un l'amour des femmes, l'autre l'amour des garçons. Licinus et Théomneste sont juges du débat. Chariclès, attaquant son adversaire après avoir fait l'éloge des femmes, lui dit « Ta victime souffre et pleure dans tes odieuses caresses. Si l'on permet de tels désordres parmi les hommes, il faut laisser aux lesbiennes leur stérile volupté. » Callicratidas prend la parole, il repousse quelques-uns des arguments de Chariclès. « Les lions n'épousent pas les lions, dis-tu, c'est que les lions ne philosophent pas. » Callicratidas fait ensuite une peinture satirique de la femme. Le matin, au sortir du lit, la femme ressemble à un singe. Des vieilles et des servantes, rangées à la file comme dans une procession, lui apportent les instruments et les drogues de sa toilette, un bassin d'argent, une aiguère, un miroir, des fers à friser, des fards, des pots remplis d'opias et d'onguents pour nettoyer les dents, noircir les sourcils, teindre et parfumer les cheveux. On croirait voir le laboratoire d'un pharmacien. Elle couvre à moitié son front sous les anneaux de sa chevelure, tandis qu'une autre partie de cette chevelure flotte sur ses épaules. Les bandelettes de sa chaussure sont si serrées qu'elles entrent dans sa chair. Elle est moins vêtue qu'enfermée sous un tissu transparent qui laisse voir ce qu'il est censé cacher. Elle attache des perles précieuses à ses oreilles, des bracelets en forme de serpent d'or à ses poignets et à ses bras. Une couronne de diamants et de pierreries des Indes repose sur sa tête. De longs colliers pendent à son cou, des talons d'or ornent sa chaussure de pourpre. Elle rougit ses joues impudentes afin de dissimuler sa pâleur. Ainsi parée, elle sort pour adorer des déesses inconnues et fatales à son mari. Ses adorations sont suivies d'initiations malfamées et de mystères suspects. Elle rentre et passe d'un bain prolongé à une table somptueuse. Elle se gorge d'aliments, elle goûte à tous les mets du bout du doigt. Un lit voluptueux l'attend, elle s'y livre à un sommeil inexplicable, si c'est un sommeil. Et quand on sort de cette couche moelleuse, il faut vite courir au terme voisin. De cette satire, Callicratidas passe à l'éloge du jeune homme. Il se lève avant l'aurore, se plonge dans une eau pure, étudie les maximes de la sagesse, dompte sa vigueur sur des coursiers de Thessalie, et lance le javelot. C'est Mercure, Apollon, Castor, qui ne serait l'ami d'un pareil jeune homme. L'amour était le médiateur de l'amitié entre Oreste et Pylade. Ils voguaient ensemble sur le même vaisseau de la vie. Il est beau de s'exciter aux actions héroïques par une triple communauté de plaisirs, de périls et de gloire. L'âme de ceux qui aiment de cet amour céleste habite les régions divines, et deux amants de cette sorte reçoivent après la vie le prix immortel de la vertu. Callicratidas exprime ici l'opinion de Platon et de Socrate, déclaré le plus sage des hommes. Licinius juge le procès. Il laisse les femmes aux hommes vulgaires et les petits garçons aux philosophes. Théomneste rit de la prétendue pureté de l'amour philosophique et finit par la peinture d'une séduction dont les nudités sont à peine supportables sous le voile de la langue grecque ou latine. Les plus grands personnages de la Grèce et les plus hautes renommées paraissent sous le joug de ces dégradantes passions. Alexandre fit rougir ses soldats de sa familiarité avec l'eunuque Bagoas. Périclès vivait publiquement avec la femme de son fils. Il défendit devant les tribunaux Simon, accusé d'inceste avec sa sœur Elpicine, et Elpicine devint le prix de l'éloquence tarée du triomphant orateur. Sophocle sort d'Athènes avec un jeune garçon qui lui dérobe son manteau. Euripide se raille de Sophocle et lui déclare qu'il a possédé pour rien la même créature. Sophocle lui répond en vers « Euripide, ce fut le soleil et non un jeune garçon qui me dépouilla en me faisant éprouver sa chaleur. Pour toi, c'est Borée qui t'a glacé dans les bras d'une femme adultère. » Le sale Diogène dansait avec l'élégante Laïs qui se livrait à lui. Et le voluptueux Aristippe, amant de Laïs, approuvait le partage. Sur le tombeau de Dioclès, de jeunes garçons célébraient chaque année la fête des baisers. Le plus lascif obtenait la couronne. Dioclès avait été un infâme. Athénée nous apprend encore le rôle que jouaient les courtisanes et Lucien les leçons qu'elles se donnaient entre elles. Aspasie, Phrynée, Laïs, Glycère, Flora, Gnathène, Gnathénion, Manie et tant d'autres sont devenus des personnages mêlés aux plus graves comme aux plus beaux souvenirs de l'histoire, des arts et du génie. Un trait particulier distingue le dialogue des courtisanes dans Lucien. L'auteur met souvent en scène une mère et une fille. C'est la mère qui corrompt la fille, qui cherche à lui enlever tout remords, toute pudeur, qui l'instruit au libertinage, au mensonge, au vol, qui lui conseille de se prostituer au plus rustre, au plus laid, au plus infâme, pourvu qu'il paye bien et qu'on le puisse dépouiller. Quant aux jeunes courtisanes, elles éprouvent presque toujours une passion sincère et naïve. Elles ont recours à des enchantements, comme la magicienne de Théocrite, pour rappeler des amants volages. On les voit occupées à les arracher non seulement à leurs rivales, mais encore à leurs rivaux, les philosophes. Kélidonion propose à Drosée d'écrire avec du charbon sur la muraille du céramique « Aristénète corrompt Clinias ». Cet Aristénète était un philosophe qui avait enlevé Clinias à Drosée. Enfin, l'on trouve parmi les dialogues de Lucien celui de Clonarion et de Léaéna consacré à la peinture des désordres entre les femmes. Ils y sont peints comme les désordres entre les hommes. Léaéna est aimée d'une riche femme de Lesbos, Mégile, déjà liée avec Démonas, femme de Corinthe. Ces deux saphiennes invitent Léaéna à partager leur commune couche. Mégile jette au loin sa fausse chevelure, paraît nue et la tête rase comme un athlète. Léaéna entre dans des détails assez étendus avec Clonarion et refuse de lui donner les derniers. « Vous auriez une fausse idée de ces ouvrages si vous vous les représentiez comme des mauvais livres, destinés parmi nous à la dépravation de la jeunesse, mais qui ne peignent point l'état général de la société. » Les pères de l'Église s'expriment comme Lucien et comme Athénée. Clément d'Alexandrie indique des choses de la même nature que celles rappelées au dialogue des amours et il cite ailleurs des faits racontés par Lucien lui-même. Il parle de la Vénus de Cnide, souillée dans son temple, et de Philoénis, à qui, dit Fleury, on attribuait un écrit touchant les impudicités les plus criminelles dont les femmes soient capables. Saint Justin, dans son Apologie, assure que l'ouvrage de Philoénis était dans les mains de tout le monde. Chez plusieurs nations, un prix était décerné aux plus impudiques. Il y avait des villes entières consacrées à la prostitution, des inscriptions écrites à la porte des lieux de libertinage et la multitude des simulacres obscènes trouvés à Pompéi ont fait penser que cette ville jouissait de ce privilège. Des philosophes méditaient pourtant sur la nature de Dieu et de l'homme dans cette Sodome. Leurs livres déterrés ont moins résisté aux cendres du Vésuve que les images d'airain du musée secret de Portici. Caton le censeur louait les jeunes gens abandonnés aux vices que chantaient les poètes. Après le repas, on voyait sur les lits du festin de malheureux enfants qui attendaient les outrages. Amiens Marcellin a peint les descendants des Cincinnatus et des Publicola au IVe siècle. Ils se distinguent par de hauts chars. Ils suent sous le poids de leur manteau, si léger pourtant que le moindre vent le soulève, il le secoue fréquemment du côté gauche pour en étaler les franges et laisser voir leurs tuniques, où sont brodées diverses figures d'animaux. Étrangers, allez les voir, ils vous accableront de caresses et de questions. Retournez-y, il semble qu'ils ne vous aient jamais vu. Ils parcourent les rues avec leurs esclaves et leurs bouffons. Devant ces familles oisives marchent d'abord des cuisiniers enfumés, ensuite des esclaves avec les parasites. Le cortège est fermé par des eunuques, vieux et jeunes, pâles, livides, affreux. Envoie-t-on savoir des nouvelles d'un malade, le serviteur n'oserait rentrer au logis avant de s'être lavé de la tête aux pieds. La populace n'a d'autre abri pendant la nuit que les tavernes ou les toiles tendues sur les théâtres. Elle joue au dé avec fureur ou s'amuse à faire un bruit ignoble avec les narines. Ceux qui s'enorgueillissent de porter les noms des Reburi, des Faburi, des Pagoni, des Djeri, des Dali, des Tarasci, des Perassi, vont au bain couvert de soie et accompagnés de 50 esclaves. À peine entrés dans la piscine, ils s'écrient « Où sont mes serviteurs ?» S'il se trouve quelque créature jadis usée au service du public, quelque vieille qui a trafiqué de son corps, ils courent à elle et lui prodiguent de sales caresses. Et voilà des hommes dont les ancêtres admonestaient un sénateur pour avoir donné un baiser à sa femme devant sa fille. Les prétendez-vous saluer, tels que des taureaux qui vont frapper de la corne? Ils baissent la tête de côté et ne laissent que leurs genoux ou leurs mains au baiser de l'humble client. Au milieu des festins, on fait apporter des balances pour peser les poissons, les loirs et les oiseaux. 30 secrétaires, les tablettes à la main, font l'énumération des services. Si un esclave apporte trop tard de l'eau tiède, on lui administre 300 coups de fouet. Mais si un vil favori a commis un meurtre, « Que voulez-vous ? » dit le maître. « C'est un misérable. Je punirai le premier de mes gens qui se conduira ainsi. Ces illustres patrices vont-ils voir une maison de campagne ou une chasse que les autres exécutent devant eux ? Se font-ils transporter dans des barques peintes par un temps un peu chaud, de Poutéole à Cagette ? Ils comparent leur voyage à ceux de César et d'Alexandre. Une mouche qui se pose sur les franges de leur éventail doré, un rayon de soleil qui passe à travers quelques trous de leur parasol, les désole. Ils voudraient être nés parmi les Cimériens. Cincinnatus eut perdu la gloire de la pauvreté si, après sa dictature, il eût cultivé des champs aussi vastes que l'espace occupé par un seul des palais de ses descendants. Le peuple ne vaut pas mieux que les sénateurs, il n'a pas de sandales aux pieds, et il se fait donner des noms retentissants. Il boit, joue, et se plonge dans la débauche. Le grand cirque est son temple, sa demeure son forum. Les plus vieux jurent par leurs rides et leurs cheveux gris que la République est perdue si tel cocher ne parle premier et ne rase habilement la borne. Attirés par l'odeur des viandes, ces maîtres du monde suivent des femmes qui crient comme des paons affamés et se glissent dans la salle à manger des patrons. La mollesse du peuple passa à l'armée. Le soldat préférait la chanson obscène aux cris de guerre. Une pierre, comme autrefois, ne lui servait plus d'oreiller sur un lit armé, et il buvait dans des coupes plus pesantes que son épée. Il connaissait le prix de l'or et des pierreries. Le temps n'était plus où un légionnaire, ayant trouvé dans le camp d'un roi de Perse un petit sac de peau rempli de perles, les jeta sans savoir ce que c'était et n'emporta que le sac. Le soldat romain quitta la cuirasse, abandonna le pilum et la courte épée. Alors, nu comme le barbare et inférieur en force, il fut aisément vaincu. Végès attribue les défaites successives des légions à l'abandon des anciennes armes. Les désordres de la police de Rome étaient extrêmes, on en jugera par un événement arrivé sous le règne de Théodose Ier. Les empereurs avaient bâti de grands édifices où se trouvaient les moulins et les fours qui servaient à moudre la farine et à cuire le pain distribué au peuple. Plusieurs cabarets étaient élevés auprès de ces maisons. Des femmes publiques attiraient les passants dans ces cabarets. Ils n'y étaient pas plus tôt entrés qu'ils tombaient par des trappes dans des souterrains. Là, ils demeuraient prisonniers le reste de leur vie, contraints à tourner la meule, sans que jamais leurs parents puissent savoir ce qu'ils étaient devenus. Un soldat de Théodose, pris à ce piège, s'arma de son poignard, tua ses détenteurs et s'échappa. Théodose fit raser les édifices qui couvraient ses repères. Il fit également disparaître les maisons de prostitution où étaient reléguées les femmes adultères. L'anarchie dans les provinces égalait celle qui régnait dans la capitale. Salvien déclare qu'il n'y a point de châtiment que ne méritassent les Romains. Il les compare aux barbares et les trouve inférieurs à ceux-ci en charité, sincérité, chasteté, générosité, courage. Il fait la description de la Septimanie. Vignes, prairies émaillées de fleurs, vergers, campagnes cultivées, forêts, arbres fruitiers, fleuves et ruisseaux, tout s'y trouve. Les habitants de cette province ne devraient-ils pas remplir leurs devoirs envers un dieu si libéral pour eux? Eh bien, le peuple le plus heureux des Gaules en est aussi le plus déréglé. La gourmandise et l'impureté dominent partout. Les riches méprisent la religion et la bienséance. La foi du mariage n'est plus un frein. La femme légitime se trouve confondue avec les concubines. Les maîtres se servent de leur autorité pour contraindre leurs esclaves à se rendre à leurs désirs. L'abomination règne dans les lieux où des filles n'ont plus la liberté d'être chastes. On trouve des Romains qui se livrent à tous les désordres, non dans leur maison, mais au milieu des ennemis et dans les fers des barbares. Les villes sont remplies de lieux infâmes, et ces lieux ne sont pas moins fréquentés par les femmes de qualité que par celles d'une basse condition. Elles regardent ce libertinage comme un des privilèges de leur naissance, et ne se piquent pas moins de surpasser les autres femmes en impureté qu'en noblesse. Il n'y a plus personne, continue le nouveau Jérémie, pour qui la prospérité d'autrui ne soit un supplice. Les citoyens se proscrivent les uns les autres, les villes et les bourgs sont en proie à une foule de petits tyrans, juges et publicains. Les pauvres sont dépouillés, les veuves et les orphelins opprimés. Des Romains vont chercher chez les barbares une humanité et un abri qu'ils ne trouvent pas chez les Romains. D'autres, réduits au désespoir, se soulèvent et vivent de vols et de brigandages. On leur donne le nom de bagaudes, on leur fait un crime de leur malheur, et pourtant ne sont-ce pas les proscriptions, les rapines, les concussions des magistrats qui ont plongé ces infortunés dans un pareil désordre. Les petits propriétaires qui n'ont pas fui se jettent entre les bras des riches pour en être secourus et leur livrent leurs héritages. Heureux ceux qui peuvent reprendre à ferme les biens qu'ils ont donnés, mais ils n'y tiennent pas longtemps, de malheur en malheur, de l'état de colon où ils se sont réduits volontairement, ils deviennent bientôt esclaves. Ce passage de Salvien est un des documents les plus importants de l'histoire. Il nous apprend comment l'état des propriétés et des personnes changea au VIe siècle, comment le petit propriétaire livra son bien et ensuite sa personne au grand propriétaire pour en recevoir protection. Cet effet violent de la nécessité se convertit en usage et bientôt en loi. On donna son alleu au barbare, qui le rendit en fief, moyennant service, et ainsi s'établit la mouvance et la propriété féodale. Il faut joindre, aux causes de la destruction des lois et des mœurs païennes, une dernière cause, puissante dans les hauts rangs de la société, la philosophie. Je vous ai déjà fait observer que les sectes philosophiques étaient au paganisme ce que les hérésies étaient au christianisme, dans le rapport inverse de la vérité à l'erreur. La vérité philosophique ne fut dans son origine que la vérité religieuse, ou, pour parler plus correctement, la philosophie qui prit naissance dans les temples fut d'abord cultivée en secret par les prêtres. La vérité philosophique, indépendance de l'esprit de l'homme dans la triple science des choses intellectuelles, morales et naturelles, se dut trouver altérée selon le temps et les lieux. Les hommes placés au berceau du monde cherchèrent et crurent découvrir les lois mystérieuses de la nature dans la cause la plus agissante sous leurs yeux. Ainsi, les prêtres de la Chaldée regardèrent la lumière dont ils étaient inondés dans leur beau climat comme une émanation de l'âme universelle. Bientôt, ils attribuèrent aux astres qu'ils observaient une influence toute particulière sur l'homme et sur la nature. La lumière diminuant de force en s'éloignant de son foyer créait sur son chemin du ciel à la terre des êtres dont l'intelligence variait selon le degré de fécondité qui restait au rayon créateur. Le système des prêtres chaldéens donna naissance à la théorie des génies. Les usages et les mœurs s'enchaînèrent à la marche des saisons. Les mages, ne considérant dans la lumière que la chaleur, firent du feu le principe de tout. Et comme il y avait, selon les mages, une matière brute qui résistait à l'action du feu, de là les deux principes, l'esprit et la matière, le bien et le mal. Par le feu ou la chaleur se reproduisait l'âme humaine et les génies de la religion secrète des Chaldéens. Les prêtres d'Égypte se persuadèrent, au bord du Nil, que l'eau était l'agent d'une âme universelle pour la reproduction des corps. Ayant remarqué qu'il y a dans l'homme un esprit et dans l'animal un instinct, ils en conclurent une intelligence qui tend à s'unir à la matière, cette intelligence voulant toujours produire des choses parfaites et la matière s'opposant toujours à la perfection. Mais il paraît qu'il regardait le bon et le mauvais principe comme également matériel, ce qui faisait une doctrine d'athéisme et de matérialisme chez le peuple le plus superstitieux de la terre. Aujourd'hui que les Indes nous sont mieux connues, que leurs langues sacrées sont dévoilées aux savants de l'Europe, nous trouvons dans ces immenses régions des systèmes métaphysiques de toutes les sortes, des cultes de toutes les formes, même de la forme chrétienne. Nous trouvons trois principes excellents, bien que mêlés de choses extravagantes, l'existence d'un Dieu suprême, l'immortalité de l'âme et la nécessité morale de faire le bien. Mais cette nécessité morale de la philosophie indienne eut une conséquence aussi inattendue que désastreuse. D'après la nécessité du bien, l'âme de l'homme devait retourner au sein de Dieu si elle pratiquait la vertu, ou s'emprisonner dans d'autres corps sur la terre si elle s'était abandonnée au vice. Ce cercle inévitable de la société religieuse rendit la société politique stationnaire. Tout s'incrusta dans des castes qui ne remet pas plus que ces bronzes fixés des jours entiers dans la même attitude par esprit de sacrifice et de perfection. Ce que le matérialisme opéra en Chine et la superstition en Égypte, la philosophie l'accomplit aux Indes. Elle ligatura l'homme dans son berceau et dans sa tombe. La haute science fut donc captive dans les collèges sacerdotaux de la Chaldée, de la Perse, des Indes et de l'Égypte. Rendons justice aux Grecs, ils tirèrent la philosophie du fond des temples, comme le christianisme la fit sortir des écoles philosophiques. Ainsi la philosophie fut pratiquée secrètement par les prêtres, c'est son premier pas. Elle fut étudiée par quelques hommes supérieurs de la Grèce, hors des sanctuaires, c'est son second pas. Elle fut livrée à la foule par les chrétiens, c'est son troisième et dernier pas. Les Grecs, qui dérobèrent les premiers la philosophie aux initiations, furent des poètes et des législateurs tels que Linus, Orphée, Musée, Eumolpe, Mélampe. Ensuite vinrent dans une société plus avancée Thalès, Pythagore, Phérécide. Voyageurs aux Indes, en Perse, en Chaldée, en Égypte, ils pénétrèrent leur système des doctrines qu'ils avaient étudiées chez les prêtres de ces contrées. Thalès, comme les Égyptiens, admit l'eau pour élément général et devint le chef de la philosophie expérimentale. Une des branches de son école donna naissance à la philosophie morale, personnifiée dans Socrate. Pythagore engendra la philosophie intellectuelle que divinisa Platon. Aristote, esprit positif et universel, supposa une matière éternelle et des formes mathématiques invariables renfermées dans cette matière. Le monde finit par se partager entre les deux écoles de Platon et d'Aristote, entre le système des formes et celui des idées. Les conquêtes d'Alexandre répandirent la philosophie grecque sur le globe, où elle s'enrichit de nouvelles connaissances. Alexandre commanda à tous les hommes vivants d'estimer la terre habitable être leur pays et son camp en être le château et le donjon. Tous les gens de bien parents les uns des autres, et les méchants seuls étrangers. Au demeurant que le grec et le barbare ne seraient point distingués par le manteau, ni à la façon de la targe, ni au cimetière ou par le haut chapeau, mais remarqué et discerné, le grec à la vertu et le barbare au vice, en réputant tous les vertueux grecs et tous les vicieux barbares. Quel plaisir de voir ces belles et saintes épousailles quand il comprit dans une même tente 100 épousées persiennes, mariées à 100 époux macédoniens et grecs, lui-même estant couronné de chapeaux de fleurs et entonnant le premier le chant nuptial d'Hyménaeus comme un cantique d'amitié générale. Amyo, qui introduit ici sans le savoir la langue et le reflet des mœurs de son siècle dans la peinture de l'âge philosophique et poli de la Grèce, n'ôte rien à la vérité des faits et leur ajoute un charme étranger. Il n'est point de mon sujet d'entrer dans le détail des sectes philosophiques, mais je dois rappeler que la philosophie de Platon, mêlée aux dogmes chaldéens et aux traditions juives, s'établit à Alexandrie sous les Ptolémées. Tous les systèmes, toutes les opinions convergèrent à ce centre de lumières et de ténèbres dont le christianisme débrouilla le chaos. La philosophie des Grecs introduite à Rome ébranla le culte national dans la ville la plus religieuse de la terre. Le poète satirique Lucile, l'ami de Scipion, s'était moqué des dieux de Numa, et Lucrèce essaya de les remplacer par le voluptueux néant d'Épicure. César avait déclaré en plein Sénat qu'après la mort, rien n'était, et Cicéron, qui cherchant la cause de la supériorité de Rome, ne la trouvait que dans sa piété, disait contradictoirement qu'à la tombe finit tout l'homme. L'épicurisme régna chez les Romains durant la majeure partie du premier siècle de l'ère chrétienne. Pline, Sénèque, les poètes et les historiens l'attestent par leurs écrits, leurs maximes et leurs vers. Le stoïcisme prit le dessus quand la vertu fut élevée à la pourpre. Ces diverses philosophies, qui ne descendaient point dans le peuple, décomposaient la société, elles ne guérissaient point la superstition des esclaves et ôtaient la crainte des dieux aux maîtres. Les arts magiques, plus ou moins mêlés aux dogmes scolastiques, la théurgie et la goétie ramenaient des erreurs tout aussi déplorables que les mensonges de la mythologie. Les philosophes, tantôt chassés de Rome, tantôt rappelés, devenaient des personnages importants ou ridicules qui se prêtaient complaisamment aux idolâtries, aux mœurs et aux crimes de leur siècle. On en remarque auprès de tous les tyrans, on en trouve au milieu des débauches des lagabales. Il est vrai que pour l'honneur de la vertu, ceux-ci se voilaient la tête comme Agamemnon se couvrait le visage au sacrifice de sa fille. Plotin même assistait au désordre de Gratien. Ces sages s'attribuaient des dons surnaturels, depuis Apollonius, qui se transportait par l'air où il voulait, jusqu'à Proclus, qui conversait avec Pan, Esculape et Minerve, il n'y a pas de miracle dont ils ne fussent capables. L'affectation des allures de leur vie rendait suspect le naturel de leurs principes. Ménédouce de Lampsac paraissait en public vêtu d'une robe noire, coiffée d'un chapeau d'écorce, où se voyaient gravés les 12 signes du zodiaque. Une longue barbe lui descendait à la ceinture, et monté sur le cothurne, il tenait un bâton de frêne à la main. Il se prétendait un esprit revenu des enfers pour prêcher la sagesse aux hommes. Anaxarque, maître de Pyrrhon, étant tombé dans une ravine, Pyrrhon refusa de l'en retirer, parce que toute chose est indifférente de soi, et qu'autant valait demeurer dans un trou que sur la terre. Lorsque Zénon marchait dans les villes, ses amis l'accompagnaient, de peur qu'il ne fût écrasé par les chars, il ne se donnait pas la peine d'échapper à la fatalité. Diogène faisait le chien dans un tonneau, Démocrite s'enfermait dans un sépulcre, Héraclite broutait l'herbe de la montagne, Empédocle, voulant passer pour une divinité, se précipita dans l'Etna, le volcan rejeta les sandales d'airain de l'impie, et la fourbe fut découverte. Ces sophistes, de même que les hérésiarques, se livraient à toutes sortes de folies, des platoniciens se tuaient comme des circoncélions, et des cyniques bravaient la pudeur comme les prisciliens. Dans les écoles d'Athènes et d'Alexandrie, les maîtres mêlaient le peuple à leur faction, leurs disciples couraient au-devant des nouveaux venus pour les attirer à leur doctrine, criant, sautant, frappant, à l'instar des furieux. Lucien représente Ménippe, affublé d'une massue, d'une lyre et d'une peau de lion, et s'écriant « Je te salue, portique superbe, entrée de mon palais ». Ensuite Ménippe raconte à Philonippe que, fatigué de l'incertitude des doctrines, il s'adressa à un disciple de Zoroastre. Ce magicien par excellence, appelé Mithrobarzane, avait de longs cheveux et une longue barbe. Il prit Ménippe, le lava 3 mois entiers dans l'Euphrate, en suivant le cours de la lune et marmottant une longue prière. Il lui cracha 3 fois au nez, le plongea de l'Euphrate dans le Tigre, le purifia avec de l'oignon marin, le ramena chez lui, à reculons, l'arma de la massue, de la lyre, de la peau du lion, et lui recommanda de se nommer à tout venant Ulysse, Hercule ou Orphée. L'initiation achevée, Ménippe descendit aux enfers, conduit par Mithrobarzane. Là, Tirésias lui conseilla de quitter les chimères philosophiques en lui disant « La meilleure vie est la plus commune ». Les sectes à l'encan offrent le tableau complet des diverses sectes. Jupiter fait préparer des sièges. Mercure, investi de la charge d'huissier, appelle les marchands pour acheter toutes sortes de vies philosophiques. On fera crédit pendant 1 année, moyennant caution. Jupiter ordonne de commencer par la secte italique. Mercure, holà Pythagore, descends et fais le tour de la place. Voici une vie céleste, qui l'achètera? Qui veut être plus grand que l'homme? Qui veut connaître l'harmonie des sphères et revivre après sa mort? Un marchand, d'où es-tu? Pythagore, de Samos. Le marchand, où as-tu étudié? Pythagore, en Égypte, chez les sages. Le marchand, si je t'achète, que m'apprendras-tu? Pythagore, Je te ferai souvenir de ce que tu sus autrefois. Le marchand, comment cela ? Pythagore, en purifiant ton âme. Le marchand, comment l'instruiras-tu ? Pythagore, par le silence, tu seras 5 ans sans parler. Le marchand, après ? Pythagore, je t'enseignerai la géométrie, la musique et l'arithmétique. Le marchand, je sais celle-ci. Pythagore, comment comptes-tu ? Le marchand, 1, 2, 3, 4. Pythagore, tu te trompes, 4 et 10, le triangle parfait et le serment, etc. On déshabille Pythagore et l'on découvre qu'il a une cuisse d'or. 300 marchands l'achètent 10 mines. On appelle Diogène. Un marchand, que pourrais-je faire de cet animal, sinon un fossoyeur ou un porteur d'eau ? Mercure, non pas, mais un portier, il aboie, il se nomme lui-même un chien. Le marchand, je crains qu'il ne me morde, il grince des dents et me regarde de travers. Mercure, ne crains rien, il est apprivoisé. Le marchand, ami, de quel pays es-tu ? Diogène, de tout pays. Le marchand, quelle est ta profession ? Diogène, médecin de l'âme, héros de la liberté et de la vérité. Le marchand, maître, si je t'achète, que m'apprendras-tu ? Diogène, je t'enfermerai avec la misère, tu ne te soucieras ni de parents ni de patrie, tu quitteras la maison de ton père, tu habiteras quelque masure, quelque sépulcre ou, comme moi, un tonneau. Ton revenu sera dans ta besace pleine de rogatons et de vieux bouquins. Tu disputeras de félicité avec Jupiter, si l'on te fouette, tu n'en feras que rire. Le marchand, il faudrait que ma peau fût une écaille d'huître ou de tortue. Diogène, voici ma doctrine. Trouver à redire à tout, avoir la voix rude comme un chien, la mine barbare, l'allure farouche et sauvage, vivre au milieu de la foule comme s'il n'y avait personne, être seul au milieu de tous, préférer la Vénus ridicule et se livrer en public à ce que les autres rougissent de faire en secret. Si tu t'ennuies, tu prendras un peu de ciguë et tu t'en iras de ce monde, voilà le bonheur, en veux-tu ? Après Diogène, pour lequel on donne 2 oboles, Mercure fait venir Aristippe. Il est ivre et ne peut répondre. Mercure explique sa doctrine, ne se soucier de rien, se servir de tout, chercher la volupté n'importe où. Héraclite et Démocrite, abrégés de la sagesse et de la folie, succédèrent à Aristippe. L'un rit, l'autre pleure. Démocrite rit parce que tout est vanité et que l'homme n'est qu'un concours d'atomes produits du hasard. Héraclite pleure parce que le plaisir et douleur, le savoir, ignorance, la grandeur, bassesse, la santé, infirmité, le monde, un enfant qui joue aux osselets et se tourmente pour un songe. Héraclite regrette le passé, s'ennuie du présent et s'épouvante de l'avenir. Jupiter fait se mondre Socrate. Un marchand. Qu'es-tu ? Socrate. Amateur de petits garçons et maîtresse hors d'aimer. Le marchand. Dans ce cas, mon fils est trop beau pour que je te confie son éducation. Socrate. Je ne suis pas amoureux du corps, mais de l'esprit. Quand je dormirais avec ton fils, il ne se passerait rien de déshonnête. Le marchand. Cela m'est fort suspect. Socrate. Je le jure par le chien et le platane. Le marchand. Quelle est ta doctrine ? Socrate. J'ai inventé une république et je me gouverne d'après ses lois. Le marchand. Que fait-on dans ta république ? Socrate. Les femmes n'y appartiennent pas à un seul mari. Chaque homme peut avoir commerce avec elles toutes. Le marchand. Les lois contre l'adultère sont-elles donc abrogées ? Socrate. Niaiserie. Le marchand. Et qu'as-tu statué pour les beaux et jeunes garçons ? Socrate. Ils deviendront le prix de la vertu et leur amour sera la récompense du courage. Socrate est vendu 2 talents. Épicure vient après Socrate. C'est, dit Mercure, le disciple du grand rieur Démocrite et du grand débauché, Aristippe. Il aime les choses douces et emmiellées. Chrysippe, le stoïcien, à la barbe longue et aux cheveux courts, est présenté aux criés comme la vertu même et le censeur du genre humain. Chrysippe est le seul sage, le seul riche, le seul éloquent, le seul beau, le seul juste. Il explique aux marchands ébahis qu'il y a des choses principales et des choses moins principales, des accidents et des accidents d'accidents. Il lui prétend enseigner les syllogismes, le moissonneur, le dominant, l'électra, le masqué. Il lui prouve que lui, marchand, ne connaît pas son père, qu'il est une pierre ou un animal ou une pierre. Le péripatéticien succède au stoïcien. Il sait combien de temps vit un moucheron, à quelle profondeur les rayons du soleil pénètrent dans la mer, et quelle est l'âme des huîtres. Le dialogue se termine à Pyrias pour Pyrrhon. Le marchand. « Que sais-tu, Pyrias ? » Le philosophe. « Rien. » Le marchand. « Comment ? Rien. » Le philosophe. « Parce que je ne sais pas s'il y a quelque chose. » Le marchand. « Est-ce que nous n'existons pas ? » Le philosophe. « Je ne sais. » Le marchand. « Et toi, n'existes-tu pas ? » Le philosophe. « Je le sais encore moins. » Le marchand. « Je viens de t'acheter. N'es-tu pas à moi ? » Le philosophe. « Je m'abstiens et je considère. » Le marchand. « Suis-moi, tu es mon esclave. » Le philosophe. « Qui le sait ? » Le marchand. « Ceux qui sont ici. » Le philosophe. « Est-ce qu'il y a quelqu'un, ici ?» Le marchand. « Je te prouve que je suis ton maître. » Il le bat. Le philosophe. « Je m'abstiens et je considère. » Lucien, dans l'Hermotine, ou les sectes, achève de ruiner l'échafaudage de l'orgueil de l'homme. Ainsi se montraient, flétris et vaincus du temps, ces philosophes, jadis l'honneur de l'humanité, ces sages qui, au milieu des nations souillées et matérialisées, avaient conservé les vérités de la science, de la morale et de la religion naturelle, jusqu'à ce qu'ils se corrompissent avec la foule et par l'infirmité même de la sagesse. Voilà la société romaine. Ces générations étaient mûres, les barbares se présentaient comme les faucheurs qui nous viennent des provinces éloignées pour abattre nos foins et nos blés. Les chrétiens et les païens allaient tomber sur les sillons, selon le poids de leurs valeurs respectives. L'homme attaché aux joies de la vie ne voyait approcher le franc, le goth, le vandale, qu'avec les terreurs de la mort, tandis que l'anachorète, le prêtre, l'évêque, cherchaient comment ils adouciraient les vainqueurs et comment ils feraient des calamités publiques un moyen d'enrôler de nouveaux soldats sous l'étendard du Christ. Fin de la section 40.